Actu SF, les podcasts. Merci à vous d'être présents. On a le plaisir d'accueillir Dominique Eckelbener, que certains connaissent peut-être, archéologue, ancienne conservatrice du musée de Sarrebourg et spécialiste des peintures murales, parmi un certain nombre d'autres sujets. Mais tu as eu l'occasion, voilà, puisque c'est le sujet dont tu vas nous parler, de participer à un collectif, à un programme, pardon, collectif de recherche, est-ce que ça fonctionne ? Voilà, de nouveau, sur les peintures murales en Lorraine à la période, enfin, les peintures murales antiques, romaines, en Lorraine, voilà, j'en mets les choses dans le bon ordre et tu donneras plus de détails sur ce sujet-là. Et pour les imaginales, eh bien, tu as retenu de nous parler d'étranges créatures, enfin de ce bestiaire que l'on peut retrouver hein, dans les motifs décoratifs. Dominique, je te passe la parole et je t'écoute avec grand intérêt. Merci Vianney, merci à vous d'être présent aujourd'hui. Effectivement, le... effectivement mon sujet de prédilection étant les peintures murales romaines, j'ai choisi donc ce thème un petit peu particulier qui n'est pas évident puisque, comme vous allez le voir, nos enduits peints sont extrêmement fragmentaires. Donc, j'ai pris la définition de... parce qu'il fallait choisir un titre, et comme titre, j'ai choisi « créature ». Il se trouve que j'ai pris la définition de l'Académie française, qui est très simple, finalement, complétée par celle du CNRTL, qui dit que les créatures n'ont pas été seulement créées par Dieu, mais également par les hommes. Et c'est le cas, donc, de ce dont je vais parler, puisque ce sont des créatures imaginaires de la mythologie héritée de la Grèce antique et même certainement bien avant. Donc les peintures murales que nous trouvons à Lorraine sont évidemment très fragmentaires et je m'excuse de vous présenter des tout petits morceaux de fragments qui à l'origine ne nous parlaient pas beaucoup et finalement en reconstituant les fragments et en prenant par analogie des comparaisons donc avec des peintures plus importantes, notamment dans le sud de la France, mais aussi bien sûr à Pompéi ou à Herculanum, on a pu identifier certains sujets. Alors, pour vous préciser un petit peu le domaine de nos recherches, nous avons travaillé depuis plusieurs années avec des collègues universitaires, mais aussi conservateurs de musées, archéologues, et cette équipe a réussi à mettre en place une somme finalement de tous les enduits peints qui avaient été découverts en Lorraine depuis souvent le 19e siècle et qui a donné naissance à deux ouvrages que vous pourrez regarder à l'issue de la présentation. Un qui est sorti en 2014 sur Metz et un autre qui vient de sortir sur les agglomérations et les villes hors la ville de Metz. Donc ce sont des ouvrages qui finalement vont faire date forcément puisque c'est la première fois qu'on a pu réunir autant de petits fragments même s'ils sont, comme vous allez le voir, extrêmement pour certains anodins. Alors, excusez-moi, la carte que vous voyez ici, c'est la carte des sites que nous avons étudiés et là où vous avez des petites étoiles, ce sont les sites qui sont retenus pour cette présentation. Alors, on va commencer par un thème qui est assez original en Lorraine, mais qui est très connu dans la peinture romaine en Italie, c'est le satyre, dit également le faune. Alors, ces petits fragments, à l'origine, ça aurait pu être un bonhomme qui courait, et en fait, avec... Voilà. Il a une queue verte derrière lui qui nous a permis, par analogie, de l'identifier à un satyre. Alors, ces fragments proviennent de la villa gallo-romaine de Saint-Ulrich et ils ont été bien datés par le contexte archéologique du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il est associé à un griffon dont on parlera tout à l'heure et à des animaux passants qui peuvent être d'ailleurs des Pégases. Mais bon, là, on n'a pas pris le risque de mettre Pégase puisqu'on avait que les pattes. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire du satyre, c'est que le satyre, à l'origine, est un mi-homme, mi-animal. Il est doté de cornes, d'une queue de bouc et de grandes oreilles, et de pattes, surtout de bouc. Et curieusement, peu à peu, lorsque les peintres le dessinent dans les maisons romaines, il perd, pas seulement le dessine, mais aussi le sculpte, il perd peu à peu ses attributs d'animaux pour ne garder que la queue du bouc et que les oreilles pointues. Et il est doté de nouveau de pattes, de pieds comme un humain. Donc on a une évolution très nette du modèle. Alors, un autre satyre a été découvert à Metz, sur un site qui est en plein centre-ville, près de l'ancienne Banque de France, rue du Pont des Loges. Il est daté de la deuxième moitié du 1er siècle et il se trouve tout en haut d'un candélabre. C'est pas terrible ce truc. Voilà, tout en haut d'un candélabre qu'il surmonte. Et ce modèle-là, eh bien, on le retrouve également à Vienne, en Isère, où le satyre est juché tout en haut d'un candélabre. Alors là aussi, on a pu l'identifier à cause de la queue de bouc qu'il a derrière lui. Alors évidemment, on part de petits fragments tout à fait modestes, et on arrive forcément, par comparaison, à des modèles beaucoup plus beaux et beaucoup plus entiers. Par exemple, le magnifique faune de la maison du fond à Pompéi. Donc, malheureusement, on n'a pas toujours aussi belle chez nous. Alors, évidemment, du satyre à Bacchus, il n'y a qu'un pas à franchir, ou qu'une danse à franchir, puisque Bacchus est entouré dans son cortège de satyres, notamment de ménades, d'animaux de toutes sortes, ce qu'on appelle le thias, donc la suite de Bacchus que l'on voit représentée dans beaucoup de peintures et de mosaïques. Ici, pour la Lorraine, évidemment, on a peu de choses, mais on a pu identifier quelques petites scènes assez étonnantes, notamment dans une villa gallo-romaine à Valois, en Meurthe-et-Moselle, la villa de Lana, qu'on a redécouverte il y a quelques temps, justement, en étudiant les peintures murales. On a pu faire des reconstitutions un peu plus intéressantes, et on a réussi à trouver, effectivement, ces petits bonhommes difformes, un peu grotesques, en train de danser, et on a... Évidemment, on n'a pas pu faire de collage plus important, mais on a quand même au moins 3, 4, 5 satyres en train de danser autour d'un personnage. Et alors ce personnage, au début, avait été identifié par les archéologues comme une femme. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout une femme, mais que c'était un homme avec le bras levé. Et on s'est dit, évidemment, des satyres qui dansent de manière grotesque, et puis un personnage associé qui fait partie de la même scène, puisque c'est exactement la même polychromie, eh bien, il doit s'agir de Bacchus. Bon, au début, on s'est dit Apollon, mais Apollon n'est pas associé à des satyres, donc on s'est dit qu'il s'agit de Bacchus, probablement, puisque dans l'iconographie, on représente très souvent Bacchus, surtout Bacchus jeune, avec le bras levé tenant une grappe de raisin. Alors le voici de près, ce petit personnage qui a été reconstitué récemment d'ailleurs, puisqu'on avait des fragments épars qu'on n'avait pas pu mettre ensemble. Et là, évidemment, on a une représentation tout à fait conforme à ce qu'on trouve ailleurs. Alors évidemment, parlons des bacchanales un petit peu. Les bacchanales, donc, on les représente en peinture murale, en mosaïque. Et elles ont fait l'objet, à l'époque républicaine à Rome, d'une interdiction, et même plus que ça, puisqu'elles ont été complètement réprimées en 186 avant Jésus-Christ, certainement eu égard aux dérives qu'on pouvait avoir avec des gens qui se prenaient pour des satyres. Et donc vous imaginez un petit peu les scènes terribles qu'il pouvait y avoir dans les rues romaines, donc on a interdit ces fêtes. Puis ensuite, elles ont été réhabilitées, et considéré avec pas mal de bienveillance par, par les empereurs romains qui même en profitaient largement. Alors, j'ai trouvé une petite phrase assez amusante dans un article de Claude Gilbert-Dubois, qui était professeur émérite à Bordeaux, et qui a dit « Le cortège de Dionysos, donc Dionysos Bacchus, bien sûr, est une sorte de procession de circambulants. » Parce qu'effectivement, dans les représentations complètes, on voit tout le monde qui danse, les ménades un peu affolées, qui jettent leur voile dans tous sens. Et donc, effectivement, ça devait être quelque chose d'assez formidable. Alors, on a trouvé une autre représentation, probablement, avec un grand point d'interrogation, de satyre, à Pompée, en Meurthe-et-Moselle, dans la Villa des Brevelles. Malheureusement, les peintures sont extrêmement abîmées. Elles ont souffert d'une sorte de vernis qui avait été posé tout de suite après la fouille. C'est une fouille ancienne, de toute façon. Et là, effectivement, on n'a pas pu retrouver la polychromie originale. En tout cas, on a, comme dans la peinture de Metz, le personnage qui porte un pedum. Alors, le pedum, c'est cette espèce de crosse que l'on voit. Et le pedum, c'est l'apanage des bergers, bien sûr, mais aussi des satyres. Les satyres, ce sont effectivement les faunes. Ce sont des personnages qui avaient un rôle à jouer dans la nature, qui étaient très proches de la nature, qui sont souvent suivis de chèvres et de brebis, et donc ils portent souvent un pédum, donc ce fameux bâton crochu qui est représenté ici. Alors les ménades, on n'en a pas beaucoup en Lorraine, on n'en a pas encore trouvé beaucoup. On a une seule ménade qui est identifiée comme telle, c'est celle de Metz, de l'esplanade de Metz. C'est une fouille ancienne déjà, qui est exposée au musée de Metz d'ailleurs. Et c'est le seul personnage de ce type qu'on ait trouvé pour l'instant. Alors, dans cet univers mythique, bien sûr, puisqu'on parle essentiellement de mythes hérités de la Grèce antique, et même peut-être pour certains mythes beaucoup plus lointains, cet univers dionysiaque, cet univers de Bacchus, on le retrouve aussi dans d'autres représentations où ne figurent pas des personnages forcément. Ce sont les paysages sacro-idylliques, c'est-à-dire des paysages qui sont identifiés comme l'environnement de toutes ces fêtes et des divinités, des dieux. Ici, on a quelque chose qui avait été très difficile à identifier. Et en fait, c'est un cratère qui est tombé, qui est à moitié cassé d'ailleurs, qui est tombé de son piédestal. Et là aussi, le cratère fait écho, bien sûr, aux fêtes de Bacchus et au cortège dionysiaque. Alors, quelques représentations un peu plus complètes. Je pense qu'il faut montrer cette peinture de Strasbourg, de la place Kléber, qui est très belle, et qui a été restaurée récemment. Elle était dans un état un petit peu épouvantable. Elle a été restaurée à nouveau il y a quelques temps par le centre peinture murale de restauration de peinture murale de Soissons. Et ici, donc, Bacchus est représenté donc, à gauche, couvert de grappes de raisin. Et derrière lui, une autre figure assez bizarre d'une femme qui a été identifiée par ma collègue Alexandra Dardenet, professeure à l'Université de Toulouse, comme étant une ménade qui porterait à la bouche, elle a des sortes de moustaches, donc c'est très étonnant, on n'a pas trouvé de comparaison à ce modèle. Et en fait, Alexandra Dardenet pensait qu'il pouvait s'agir d'une flûte, double flûte, donc la fameuse Ola romaine, qui aurait été mal transcrite par les peintres. Alors, évidemment, c'est une idée qui peut être valable. Bon, pour ma part, moi, je suis un petit peu réticente sur cette interprétation. En tout cas, parce que le Bacchus est très beau, et devant lui, vous verrez, il y a un faune avec ses oreilles pointues. Malheureusement, la peinture n'est pas plus importante. Enfin, le reste est parti, on ne sait où, et on n'a pas trouvé, effectivement, de fragment plus important. Et puis, j'ai mis aussi une peinture beaucoup plus lointaine pour vous montrer que ces thèmes sont des thèmes que l'on retrouve partout dans l'Empire romain. Une peinture de Pannoni, donc de Sirmium, avec un très joli Bacchus couronné de feuillage. Et voilà donc ce qu'on peut trouver donc d'un peu plus abouti que nos petits fragments. Alors deux autres Bacchus avec toujours cette représentation de la main levée tenant une grappe de raisin. la grappe de raisin n'est plus forcément là. Le petit bacchus à gauche, le joli petit bacchus, c'est un bacchus qui a été retrouvé récemment par les douanes. Il avait été volé il y a quelques années au musée de Châtillon-sur-Seine et il a été retrouvé, il a réintégré il y a quelques mois le musée de Châtillon. Et à droite, vous avez la magnifique peinture de l'atrium à mosaïque ou de la maison du cerf, on ne sait pas très bien, qui est conservée au musée archéologique de Naples et qui représente Bacchus jeune aussi, un petit peu dans la même position que celui de Valois. Alors, et puis une bacchanale, cette fois-ci on monte en grade, hein, une bacchanale très aboutie qui se trouve donc sur un sarcophage. Alors passons aux petits amours, parce que troisième thème intéressant et que l'on retrouve dans la peinture murale très fréquemment, c'est le thème des amours ailés, toujours, hein, les ailes n'appartiennent pas qu'aux gens, aux anges de nos religions plus récentes, mais on les retrouve vraiment dans la nuit des temps. Et ces petits amours joueurs, on en a trouvé quelques-uns. On en a trouvé à Meil, près de Metz, dans une villa gallo-romaine fouillée récemment. On en a trouvé un autre dans l'ancienne chambre des métiers à Metz également, dans une fouille relativement récente. Et puis un autre qui est assez sympathique, qui provient de l'îlot Sainte-Chrétienne, à Metz toujours, et associé à un petit lapin. Voilà. Alors malheureusement, on n'a pas les têtes. Par contre, celui-ci, on a l'ensemble de l'amour, qui est juché sur un dauphin. Ce fragment d'Angubin provient de Metz, du Pontifroi, il est daté du 1er siècle après Jésus-Christ. Et par analogie, j'ai mis à côté les fragments de la villa de Plassac en Gironde, avec exactement la même figuration de l'amour chevauchant un dauphin. Ça, c'est un thème récurrent, les amours dans la peinture romaine, qu'on soit à Pompéi ou qu'on soit ici, on retrouve à peu près les mêmes figurations. Ce sont des amours joueurs, amusants, qui font des jeux de toutes sortes, qui sont un petit peu burlesques. Et donc, ils font des vendanges. Là, je vous ai j'ai mis quatre figurations de petits amours dans la maison des cerfs d'Herculanum. Donc il y a une partie des peintures qui sont conservées au musée du Louvre et le reste au musée de Naples. Donc il y a notamment celui de droite en bas, qui ce sont des amours qui jouent à la cachette, c'est assez amusant comme thématique. Et là, heureusement, ce sont des peintures qui ont été détachées de Herculanum, donc au XIXe siècle, et qui ne sont plus dans leur contexte d'origine. Alors, Eros, donc l'amour, est effectivement représenté sur les peintures, comme je viens de vous le montrer, donc dans des jeux divers et variés, mais Eros préside aussi aux amours des dieux. Alors malheureusement, en Lorraine, on a très très peu de représentations mégalographiques et mythologiques, au moins pour l'instant. Et récemment, donc, dans les Vosges, à Grand, des Andupins ont été découverts, qui ont fait l'objet d'une étude très importante de ma collègue Magali Mondi et Nathalie Fruligère. Ces Andupins, vous allez le voir, viennent d'être restaurés, et je pense qu'un de ces jours, on va pouvoir les voir dans une exposition. Et donc, voici la restitution graphique qui a été faite. Il s'agit d'un exède, donc d'une partie d'une pièce qui est tout à fait particulière. Elle est à côté d'une grande pièce à Hippocauste, et c'était probablement une pièce de réception où on amenait les invités comme dans son salon après le repas. Et donc on a cette partie voûtée, probablement avec une voûte avec des petites étoiles, qui est tout à fait extraordinaire pour notre région en tout cas. Alors malheureusement c'est très fragmentaire, les fragments faisaient parfois 2 cm voire beaucoup moins, donc c'était un peu compliqué, mais les reconstitutions ont permis quand même de montrer qu'on avait 2 personnages, un homme et une femme probablement, et puis surtout un petit amour. Alors on a eu un peu de mal à le retrouver. Mais là aussi, par comparaison, on a fait évidemment une restitution tout à fait, évidemment, hypothétique, Mais il y a eu une grosse recherche de Magali et de Nathalie pour avoir des comparaisons, notamment à partir des pieds, des bras, de l'animal aussi, peut-être un bouc, une chèvre, un chien, enfin, je ne sais pas exactement. En tout cas, là, il y a le petit émour qui est présent. Et dans les peintures murales, par exemple, de Pompéi ou d'Herculanum, on trouve beaucoup de représentations de ce type-là, les amours de Bacchus et d'Ariane, par exemple, où le petit amour est là en train de jouer un petit peu les prometteurs, hein, quelque part. Alors ensuite, la méduse. Alors la méduse, la gorgone, ça c'est un élément aussi très important de la mythologie grecque et romaine. Elle est apparemment très prisée dans la peinture murale, très souvent au plafond et dans des médaillons. On va expliquer pourquoi. Donc ici, dans l'ancienne chambre des métiers, elle est représentée avec des petites ailes. Il y a deux motifs de gorgone qui sont associés à des petits amours d'ailleurs, les petits amours qu'on a vus tout à l'heure. Et une autre très belle peinture, malheureusement très fragmentaire, qui a été découverte à Metz également, Pierre Hardy, et qui montre une... Alors pourquoi est-ce qu'on a pensé qu'il s'agissait d'une gorgone? On a quand même mis un point d'interrogation. À cause des cheveux qui dépassent de son front, qui forment des boucles assez... qui correspondent bien aux figurations qu'on a de gorgone, et les yeux exorbités, la face un petit peu statique. Alors évidemment, qui est cette méduse, qui est cette gorgone? Eh bien, c'est une histoire extrêmement intéressante de la mythologie grecque, puisque elle est relatée ici dans les Métamorphoses d'Ovide. J'ai même retranscrit complètement le mythe où Persée chevauche et veut décapiter la gorgone. Donc il y avait trois sœurs, et dans une de ces, enfin la troisième sœur, c'était justement Méduse, et Méduse avait la mauvaise idée de pétrifier tous les gens qu'elle rencontrait. Donc Persée raconte qu'il voit sur un cheminant des hommes et des femmes qui sont transformés en pierre, évidemment, c'est bon. Et donc du coup, Persée décide de couper la tête à Méduse, il y parvient, et désormais la tête de Méduse devient est fixée sur l'égide, donc sur le bouclier d'Athéna. Et c'est ainsi qu'on représente très souvent beaucoup de personnages de la mythologie grecque ou romaine avec un bouclier sur lequel figure la tête de Méduse. Et c'est la raison aussi pour laquelle, dans la peinture romaine, on représente toujours la Méduse dans un cercle qui figure en quelque sorte le bouclier. Donc on la représente toujours au milieu d'un médaillon, et donc ceci explique cela forcément. Voilà. Alors évidemment, c'est un thème qui est récurrent dans la peinture. Alors je vous montre quand même quelques beaux exemples pour vous montrer ce qu'on pourrait avoir à Metz ou ailleurs en Lorraine si on avait encore des maisons aussi bien conservées qu'à Pompéi ou qu'à Herculanum. Mais on n'a pas de volcan, donc ça ne marche pas. Alors ici, le magnifique, je crois que c'est un des plus beaux médaillons de la maison des Vétis à Pompéi. Vous remarquerez qu'elle a, comme à Metz, des petites ailes. Hein. C'est vraiment un motif que l'on retrouve très souvent. Et puis, deux autres présentations qui sont bien étudiées. Celle de Bordeaux, à l'île Tourny, et de la Villa de Plassac, qu'on a déjà vue, puisque dans la Villa de Plassac se trouvait également le petit amour chevauchant un dauphin. Alors, les représentations mythologiques, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même quelques-unes à Metz. En général, elles se trouvent à Metz, ou de manière très fragmentaire, ailleurs. Mais on en a très peu ailleurs, en dehors de Metz. Alors ici, vous avez notamment la muse Urania, à droite. Vous avez une représentation qui est très effacée, mais qu'on a pu identifier aussi comme la fuite d'Énée. Et puis en haut, un petit motif d'un personnage qui tient une assiette remplie probablement d'aliments. Alors nous, on avait, avec ma collègue Magali, on a dit, bon, bah, c'est un sacrifice, et puis sans plus. Et puis on a un collègue... à Lausanne, Michel Fuchs, qui est professeur de l'université de Lausanne, qui travaille sur la peinture murale, qui a fait un grand article en pensant qu'il s'agissait probablement du mariage de Bacchus et Ariane. Enfin, il a été très loin dans la représentation. Alors, nous, évidemment, on reste un petit peu sceptiques sur... on n'arrive pas à aller aussi loin dans la représentation avec un petit fragment. Mais bon, il y a des gens qui arrivent. Bon, formidable, félicitations. Alors, ensuite, dans les animaux fabuleux, alors on quitte l'univers des hommes, et dans les animaux fabuleux, on a Pégase. Pégase, le cheval ailé, on en a parlé aussi tout à l'heure, puisque vaguement, donc quand je vous ai montré le texte de vie, puisque Pégase est né de la méduse quand Persée a coupé la gorge de la méduse. Du sang de la méduse est né Pégase, le cheval ailé, le cheval chéri de Zeus, puisqu'il est monté au ciel, et son emblème, c'est il apporte donc le tonnerre et l'éclair. Donc c'est effectivement, Pégase est important. Il est souvent, comme ici, très sage, et puis dans d'autres représentations, il est en train de voler vers le ciel. Alors voici d'autres représentations un peu plus abouties que celle de la rue Pierre Hardy à Metz. Non, on en a quand même un, c'est pas mal. À Herculanum, donc, une peinture qui est conservée au Musée national de Naples, et puis la très belle représentation de Pégase du Musée national à Rome. Alors, autre bête magique, c'est le griffon. Le griffon qu'on retrouve dans tous ses états. Alors, on l'a trouvé à Saint-Ulrich. Voilà. Alors, là aussi, on a beaucoup phosphoré sur cette histoire-là, mais on sait que c'est un griffon à cause de la crête. Parce que le griffon, qui est soit à une tête d'aigle ou une tête de lion, et des pattes de lion en général, mais il peut avoir des pattes qui sont très atrophiées et qui se transforment en queue à volute. Mais dans ce cas-là, la crête, par analogie avec d'autres modèles de griffon, nous a fait identifier ce fragment à un griffon, effectivement. Alors, c'est beaucoup plus délicat dans d'autres cas où certains collègues ont pensé qu'il s'agissait de griffons. Ça reste évidemment à prouver, il faudrait beaucoup plus de motifs. Mais dans le cas de Toul, par exemple, à droite, on a quand même une représentation, une queue à volute et un animal qui peut être des pattes de lion, enfin un arrière-train de lion, et une autre représentation avec quelque chose qui ressemble à un aigle. Donc si on met les deux ensemble, qui proviennent de la même peinture, on peut avoir effectivement un griffon. Alors, cette peinture, c'est une peinture de peinture, c'est une peinture, une aquarelle qui a été faite par Charles Pensée, et qui représente une peinture qui est complètement oubliée et qui a complètement disparu, une peinture trouvée à Bouzemont. Cette aquarelle est au musée d'Épinal, et il y avait certainement quelque chose qui ressemblait à des griffons sur la peinture en question, qui a disparu, mais le peintre a représenté des griffons sur deux nuages. C'est absolument extraordinaire comme figuration, mais évidemment on ne sait pas du tout comment c'était à l'origine. Alors d'autres griffons, il y en a beaucoup. C'est un motif qui apparaît beaucoup dans la peinture romaine, et notamment dans les provinces d'ailleurs, mais il y en a énormément. Il y en a à Amiens, rue des Cordeliers. Il y en a une peinture du musée du Louvre qui provient probablement de Pompéi ou d'Herculanum. Une très belle représentation de bas-relief au musée d'Orange. Également une représentation à Paestum, une autre à Rome dans la maison de la Farnésine. Bref, c'est un thème qui revient très souvent dans la peinture romaine. Et puis celui-ci, qui se trouve au musée d'Aubry à Nantes, qui est le sarcophage d'un lieu qui s'appelle Vertou, parfois associé d'ailleurs à des sanctuaires, et ou voire à des mausolées, parce que une des fonctions du griffon, c'est pas forcément d'être méchant. Hein, il a effectivement un air un petit peu méchant, mais il n'est pas forcément méchant. Il protège, il est le gardien du tombeau, et donc en cela, c'est effectivement une figuration très importante. Alors, celle-ci aussi qui est très amusante, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, le griffon peut, l'arrière-train du griffon peut se transformer en volute, en queue à volute. Ce modèle provient, c'est une mosaïque de Narbonne. Alors, du griffon, on en trouve aussi, bien sûr, à Herculanum avec les amours qui en profitent pour leur faire tirer leur petit char. Et puis, ben, ma foi, on parlait tout à l'heure de la pérennité de ces modèles, de ces mythes. Eh bien, Astérix et le griffon, donc Goscinny et Uderzo, nous ont fait un... Alors, j'avoue que je ne l'ai pas lu, celui-ci, mais bon, du coup, je pense que je vais peut-être me mettre à le lire. Alors, malheureusement, il y a des sujets mythologiques qui reviennent très souvent dans la peinture murale antique, et notamment surtout dans les mosaïques. Ce sont les monstres marins. On en a aussi dans les fibules, dans beaucoup de représentations gallo-romaines. Ce sont les dauphins, les animaux marins fantastiques, mais souvent, on peut les confondre avec des dauphins, tout simplement. Donc, leur identification est un petit peu compliquée. Alors, en voilà quand même des très jolis. Donc, c'est la mosaïque de Neptune, avec donc en bas à droite un animal marin tel qu'on le voit souvent en peinture murale. Et puis pour terminer, avant de conclure, pour terminer, une drôle de bête. Alors évidemment, la peinture est assez effacée, mais c'est tout de même un petit peu extraordinaire. Voilà. Il s'agit d'une... Alors on a eu beaucoup de mal à définir cet objet. Alors d'un côté, on a un gladiateur, puisque ces peintures se trouvaient, elles ont été déposées, et maintenant elles sont effectivement bien protégées et restaurées. Elles étaient dans la villa gallo-romaine de Lyon, l'aéroport de Nancy-Metz, donc, qui a fait l'objet de fouilles, et dans la villa de Marie. C'est une peinture assez tardive, plutôt du début du 3e siècle. Et cette bestiole, qui est énorme, on a décidé de l'appeler une sauterelle. Alors, c'est une sauterelle géante. Alors, évidemment, on n'a jamais vu de sauterelle géante de ce type-là. Mais donc, les peintres ont voulu en faire un animal probablement fabuleux. Et ça indique une manière de montrer le burlesque de certains jeux du cirque, puisque... on avait plusieurs représentations ici de personnages sautant au-dessus du feu, de personnages combattants. Et là, il y avait beaucoup de scènes burlesques dans les jeux de l'amphithéâtre. Et celui-ci en est un exemple tout à fait évident. Alors, en conclusion, j'ai un peu réfléchi donc récemment sur le pourquoi est-ce que les Gallo-Romains au fin fond de la Gaule, chez les Médiamatriques et chez les Leucs, avaient à cœur de faire des représentations de ce type-là, de représenter un griffon, une méduse, etc. Quelque chose qui leur échappe finalement pas mal, dans la plupart des cas, puisque quand on fouille, eh bien, on trouve bien sûr beaucoup d'objets, on trouve même des représentations en bas-relief plutôt d'Épona ou de Jupiter ou de Mercure, et les Épona, des Mercure et des Jupiter, j'en ai jamais vu sur la peinture murale romaine. Donc leur univers quotidien dans le village par exemple ou dans les villas ne rejoint pas ce qu'on voit parfois, je dis parfois parce qu'on ne voit pas dans toutes les villas romaines, dans toutes les villes romaines, puisque par exemple à Bézruc on n'a pas retrouvé une seule figuration humaine ou animal fantastique. Alors qu'à Metz, il s'avère qu'il y en a beaucoup. Il y en a dans la villa de Saint-Ulrich, à Grand, dans la villa de Valois, donc dans des lieux un petit peu emblématiques. Et donc, finalement, on pense bien que les propriétaires avaient à cœur de montrer leur culture. Hein, c'était des gens peut-être qui connaissaient un peu les mythes ancestraux, et ils voulaient montrer qu'ils étaient des gens cultivés. Alors après, est-ce que on sait très bien que les cahiers de motifs circulaient dans l'Empire romain, et que on a certainement des peintres qui ont adapté des modèles sans savoir exactement ce qu'ils faisaient, et qu'on a perdu peu à peu la signification de ces modèles. Il n'est pas absolument sûr que nos propriétaires de villa à Saint-Ulrich connaissent exactement l'histoire des satyres de Bacchus et de la Méduse. Mais c'était important de montrer dans certains lieux à ses invités, parce que il se trouve que la plupart de ces fragments, quand on sait où ils ont été trouvés, surtout avec les peintures récentes, ils ont été souvent trouvés dans des triclinums, dans des exèdes, dans des salons, dans des endroits où finalement le propriétaire accueillait ses visiteurs ou sa clientèle. Et donc il y a certainement une volonté ostentatoire de montrer soit sa richesse, soit sa culture. Voilà où on en est arrivé, évidemment, pour expliquer ces modèles. Mais bien sûr, on espère qu'au fur et à mesure des nouvelles découvertes, on pourra aller un petit peu plus loin dans ces analyses et dans cette histoire, puisque ces mythes-là, on les connaissait en Grèce, on les a adoptés bien sûr à Rome. Et certains même, quand on parlait tout à l'heure du griffon, ce n'est pas sans évoquer des représentations beaucoup plus anciennes, par exemple assyriennes. Hein, on a vraiment ces espèces de griffons ailés qu'on retrouve dans les représentations, dans les bas-reliefs assyriens, ont certainement été repris par la suite par les Grecs. On le connaît aussi en Égypte. Enfin bon, ce sont des modèles qui ont été véhiculés longtemps, ensuite qui sont venus jusqu'à chez nous. Jusque dans les contrées beaucoup plus septentrionales, et puis qui ont continué, puisqu'on sait très bien que ce sont des choses qui ont été reprises au Moyen-Âge, et puis bien sûr à la Renaissance. Les petits amours de la Renaissance, évidemment, ils sautent partout dans les représentations du XVIe siècle. Donc on est vraiment dans quelque chose qui s'est perpétué et qui a été adopté par... À la suite de cette présentation, mais je ne pense pas, malheureusement, on a eu plus de possibilités avec des redécouvertes à Pompéi, par exemple, au XVIIIe siècle, de pouvoir reconnaître ces mythes, alors que nos pauvres maisons ici n'ont pas laissé beaucoup de traces, sauf avec les archéologues qui les ont découvertes récemment. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, question. Oui, est-ce que les amours, d'ailleurs, on les trouve sous forme de petites statues dans les parcs. Oui. Et on en a vu hier soir dans un château. C'est une continuité. Ah oui. Une petite question sur ta sauterelle. Ah oui, sur ma sauterelle. La grande sauterelle, là, on ne sait pas bien. Est-ce qu'on pourrait imaginer, c'est chez les médiumatiques? Oui, oui, c'est à Lyon. C'est la villa qui a été fouillée à l'aéroport. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une filiation tardive médiévale avec la légende du Graoui sur Metz? Ah, c'est pas impossible. C'était des... Kevin Kazek, qui était avant au musée de Metz, avait beaucoup étudié les jeux de gladiateurs et d'autres, les jeux d'amphithéâtre en général. Et effectivement, il parle beaucoup de tout ce qui est le burlesque, le fantastique dans les jeux romains, parce que il y a des jeux sérieux, les gladiateurs qui s'empoignent, mais il y a aussi les ludus meridianus à midi, où c'est plus des jeux finalement pour égayer les gens, donc c'est plus du sérieux, c'est... et donc pourquoi pas, oui tout à fait, hein. C'est bien, j'ai pas dit une bêtise. Non, de toute façon toutes ces personnes, enfin tous ces animaux et hommes, c'est possible, hein. Bon, moi ça m'inspire une question mais à laquelle, qui est pas du tout sur la peinture murale, donc le droit de ces vaisselles qu'on voit souvent remobilisées au cinéma dans les jeux du cirque antique, mais je ne sais pas si c'est une liberté ou si c'est la lutte du gladiateur contre l'animal sauvage. Alors qu'il peut... là, il est fantasmé parce que du coup, on prend un animal qui prend des dimensions. Je ne sais pas si c'est réellement attesté, en fait, cette pratique du jeu antique voilà, du gladiateur contre le lion, du gladiateur contre le tigre, et qui, pour le coup, est une filiation très récente, hein, parce qu'on retrouve ça, y compris dans quelques Star Wars récents, où on a droit à ce genre de scène, hein, du chevalier Jedi qui doit affronter, dans ce qui est vraiment un cirque antique, des animaux sauvages, un peu mythiques. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. De toute façon, il y a certains jeux où le gladiateur s'appelle un venator, c'est-à-dire un chasseur, et l'œil opposé à des panthères, à des lions. À Saint-Ulrich, on a des malheureusement, c'est très fragmentaire, mais peut-être qu'on arrivera à en savoir un peu plus bientôt en reprenant les fragments qui sont encore à étudier. On a une figuration de lion, et on a sur la même fresque des chaussures de Venator. Malheureusement, on n'a que les chaussures, elle n'a pas le corps. Mais c'est des chaussures de Venator, ça se reconnaît très bien, parce que les Venators, donc les chasseurs, n'avaient pas, dans les jeux de l'amphithéâtre, hein, n'avaient pas la même fonction que le rétière, que les autres, chacun avait sa spécialité. Et en fait, oui, simplement, ils amenaient dans l'amphithéâtre des animaux, des panthères, et ça, on les retrouve. Alors, je ne suis pas allée jusque-là, parce que là, il y a énormément de représentations, même en Lorraine, on a pas mal de représentations de panthères, de lions, de gladiateurs, d'affrontements, etc. Alors, c'était des jeux, hein, c'était des jeux. On pensait au départ qu'ils étaient dans la forêt. Non, ce sont des jeux, on a mis des bêtes, et puis les gladiateurs se ont mission de tuer l'animal. Hein. Ou de jouer avec. Exactement, c'est les corridors antiques, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Merci de me poser ces questions de l'implication de cette phrase du coup historique de la Grèce par rapport du coup est encore plus ancien par rapport à l'aspect politique du coup de la partie romaine du coup qui était à cette époque-là. En fait, ça a été pour pratiquement tous les mythes grecs ont été repris par les Romains, pratiquement tous. Hein. Les dieux, les mythes, c'est une continuité. Hein. On n'a pas de, il n'y a pas de rupture. Et alors, est-ce qu'il y a un enjeu politique après qui est utilisé? Apparemment, je ne pense pas. Je pense que c'était surtout, c'était leur culture. Hein. C'était leur culture. Ils ont apprivoisé, les Romains ont apprivoisé absolument tout, on peut dire, tous les mythes grecs. Les dieux ont changé de nom, mais c'était exactement les mêmes. Et en plus, ils ont été adoptés dans tout l'Empire romain, hein, qu'on aille en Pannonie, au fin fond de la Pannonie, en Germanie, dans les Germanies ou en Gaule, on a exactement les mêmes sujets qui sont. On n'a pas, pratiquement, c'est assez amusant parce que dans la peinture romaine, on n'a pas beaucoup de sujets originaux, hein, on n'a pratiquement que des sujets qui sont repris. Ils n'ont pas fait, pas, en tout cas, pas dans la peinture ni dans la mosaïque. Par contre, dans la sculpture, beaucoup plus. Mais en tout cas, dans la peinture, dans la mosaïque, il n'y a pas de. On suit les modèles, peut-être pas bêtement, mais c'est aussi une manière de montrer qu'on est bien dans la civilisation romaine et qu'on a adopté la civilisation romaine. Donc il n'y a pas du tout de. Je ne pense pas qu'il y ait un arrière-plan ou une arrière-pensée politique là-dedans. Hein. C'est une continuité de toute façon. Bonjour. Alors moi j'avais juste une question par rapport au satyre. À un moment vous avez expliqué que du coup en fait il était de plus en plus représenté en tant qu'homme et qu'il avait perdu donc, finalement tout ce qui était les sabots, etc. Est-ce qu'on a une idée du pourquoi, du comment on est devenu plus homme au final? Alors je pense que il n'est pas impossible que les répressions qui ont eu lieu à Rome durant la République, qui était quand même la République, c'est quand même très strict comme régime politique. Et donc, toutes les prescriptions, il y a eu énormément de prescriptions, des gens qui ont été envoyés et qui faisaient quelque chose qui n'allait pas en exil. Donc, je pense que c'est certainement une des raisons pour laquelle les satyres ont été en quelque sorte humanisés. Et ils faisaient moins peur et d'ailleurs, en même temps, ils ont perdu leur qualité de prédateurs sexuels, parce que c'était quand même ça, hein. Un satyre, c'était réputé dans la Grèce antique comme, comme moitié homme, moitié animal, comme une menace. Et il s'est plus ou moins humanisé, il est devenu beaucoup plus soft, et puis plus gentil, plus sympathique. Et donc là aussi, c'est une manière de pouvoir avoir des plus de possibilités de montrer, de le peindre, notamment sur si on peint des choses affreuses sur la maison, dans le salon où on accueille ses visiteurs, je suis pas sûre que tout le monde soit d'accord. Hein. Et puis la peinture, c'est aussi peut-être, bon, il y a certains auteurs qui disent que ça peut être aussi un moyen d'éducation, mais bon, je suis pas absolument sûre que les mythologies qui sont présentées dans les maisons romaines soient des moyens d'éducation. C'est plutôt vraiment une manière de vouloir dire, moi, je suis cultivée, je connais les mythes romains et je veux montrer qui je suis. Donc, c'est plutôt ça. D'autres questions ? Bonjour. J'avais une question plus au niveau de la démarche de publication. Donc, je suppose qu'en archéologie, vous passez également par un processus de peer review. Et dans ce cas, est-ce que ça vous arrive d'avoir des gros désaccords où, par exemple, vous dites, ben voilà, une représentation très partielle, on voit qu'un bras, mais on peut penser qu'il s'agit d'un anneau ou d'un éléphant, etc. Et d'avoir un peu des papiers, des études bloquées parce que des gens vous disent, ben nous, on n'est pas du tout d'accord, c'est trop fantaisiste de donner un pronostic sur la nature ou l'identité de la créature à partir de si peu d'informations. Alors en fait, ça se passe en amont. C'est-à-dire, là, on était pour le projet collectif de recherche, on s'est réunis à plusieurs personnes qui travaillent sur la peinture antique et on a donc travaillé ensemble. Et quand on n'était pas d'accord, on se disait, et en fait, on prenait le terme le plus. Si par exemple, quelqu'un disait non, c'est pas possible, ça peut pas être un faune, ben on décidait de ne pas appeler cette peinture un faune. Ou alors, on proposait, on peut le voir dans ce qu'on a écrit, on proposait les deux hypothèses. Première hypothèse, deuxième hypothèse. Et après, comme vous dites, les reviews, on travaillait également, on avait trois relecteurs, de toute façon, qui sont des collègues en plus, donc on était très à l'aise avec eux s'ils avaient des réflexions à nous faire, et on a toujours trouvé un consensus. Et dans ces deux, dans le projet collectif de recherche et dans ces deux publications, on n'a jamais eu de désaccord complet. C'est-à-dire qu'on s'écoutait les uns les autres. C'était, bon, d'ailleurs, c'était un modèle de travail. Hein. Je crois que vraiment, ça a été une expérience absolument super parce qu'on s'est tous très bien entendus et on a trouvé un modus vivendi quand on n'était pas d'accord. Voilà. Et pour prolonger la réponse, dans des revues, ça peut être le cas. Les revues à comité de lecture peuvent effectivement. Et c'est un cadre un peu différent parce que là, on est sur la publication. En fait, c'est un projet collectif de recherche avec un ouvrage qui sort. On est plutôt dans une optique, un travail collectif de l'ensemble de l'équipe et qui aboutit à une publication sous forme de monographie donc à laquelle est adossé un conseil scientifique, mais qui n'est pas la même logique que le peer review qu'on a dans les revues hein, d'archéométrie, d'archéologie, où on a finalement des relecteurs souvent qu'on ne connaît pas, qui vont faire une relecture hein, en double aveugle, ou enfin, selon les revues, qu'on des modes de fonctionnement un peu différents. Je rajouterais même que les experts, les reviewers, sont déjà inclus dans les auteurs et qu'on ne va pas en trouver d'autres pour critiquer. Bah oui, parce que en fait, moi-même, je suis relecteur aussi, évidemment pas pour mes ouvrages, mais pour les autres publications. Donc en fait, la peinture murale, c'est une spécialité un petit peu particulière qui est très, finalement, on se connaît tous très bien, y compris les étrangers, y compris les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Anglais, Donc on se connaît tous et en fait ça simplifie un petit peu le travail et je dois dire que dans notre équipe, c'est arrivé hein, pour d'autres cas, mais là franchement on n'a jamais eu de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi j'en aurais une, tu parlais un peu des différences de représentation entre la mosaïque, la peinture et éventuellement la sculpture ou d'autres arts. Est-ce que les producteurs, pas s'il faut les appeler artistes ou artisans, c'est un peu ça le sens de ma question. Est-ce qu'il y a des différences de statut justement entre finalement celui qui va produire de la peinture murale, est-ce qu'il y a une logique d'art décoratif d'un côté et puis d'art majeur de l'autre, est-ce qu'on le sait? Alors En fait, on n'a pas beaucoup de signatures dans, dans la production, que ce soit sculpture, mosaïque ou peinture. On sait simplement, enfin, en étudiant ces différents arts, que la sculpture, effectivement, ou les bas-reliefs, en particulier ceux qui figurent en particulier sur les grands sites, sont dus certainement à des grands artistes. La peinture, la mosaïque met en œuvre, c'est des modèles souvent qui circulent, et l'artisan va faire la mise en œuvre de quelque chose qui connaît ou qui lui vient par un modèle qui était, on le voit par exemple dans un bon bas-relief de Sens, où on voit une peinture murale en cours d'élaboration, où on a quelqu'un qui est en train de dérouler un volumen où se trouve certainement le modèle qui vient d'ailleurs d'une autre ville pour le restituer. Alors évidemment on fait comme, mais parfois pas tout à fait. Et on sait qu'en peinture, par contre, on avait celui qui faisait les fonds, et puis celui qui faisait le petit motif central avec la représentation de Bacchus, etc. C'était pas les mêmes. Hein. Il y avait des gens un peu plus une hiérarchie dans les. Ça on le sait. On a quelques éléments de réponse par rapport à ça. Et c'était pareil pour les mosaïques. C'était le métier. Hein. Les mosaïques, les peintres, c'est des métiers. Le sculpteur aussi. Justement, est-ce que ce sont plutôt des artistes itinérants ? Oui. Il y avait certainement des artistes itinérants pour les belles productions. On faisait appel aux artisans locaux, probablement, pour faire les fonds des peintures. Après avoir fait le tracé préparatoire, l'artisan pouvait peindre les fonds en bleu, en rouge, en vert, etc. Et l'artiste, celui qui savait dessiner, venait certainement, était peut-être itinérant. On le pense pour la sculpture aussi, de toute façon. Hein. Puisqu'on retrouve des pattes un peu ici et là d'artistes qui, forcément, tout le monde ne savait pas peindre à Bacchus. Hein. Ou alors quand il le peignait, c'était pas terrible quand même. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, il nous reste à remercier Dominique. Si vous voulez me jeter un coup d'œil, oui, vous pouvez me jeter un coup d'œil. Je ne les vends pas. Je ne les vends pas parce que c'est pour moi l'éditeur. L'éditeur, c'est Ozonius, c'est un grand éditeur de Bordeaux. Et donc, Actu SF. Les podcasts.